Bateau en silence. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive le cinéma! Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, c'est chaque semaine à la radio, mais c'est aussi sur internet, sur toilesetsillons.fr. Vous pouvez retrouver toutes les émissions à écouter en streaming directement sur le site, à télécharger pour les emmener partout avec vous, et vous pouvez vous abonner au podcast pour recevoir directement sur votre lecteur MP3 les nouvelles émissions de Toiles et Sillons. On se retrouve aussi sur la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons. On va écouter des bandes annonces, des musiques, des chansons de films et on va commencer comme d'habitude en chanson. Je vous emmène en 1974 pour un film de Sidney Pollack avec un couple ultra glamour, Barbara Streisand et Robert Redford, une histoire d'amour qui se déroule sur plusieurs années. Le couple sème sur cette chanson chantée par Barbara Streisand, écrite par Marvin Hamlisch, « The Way We Were ». Whenever we remember, Barbara Streisand en 1974 pour la chanson du film « Nos plus belles années » de Sydney Pollack, film dont elle était la vedette avec Robert Redford. Je vous rappelle le titre de la chanson « The Way We Were ». Nous allons écouter une première bande-annonce et c'est l'un des dessins animés de ce Noël. « Ferdinand », un film réalisé par Carlos Saldaña, l'histoire de ce taureau au grand cœur qui s'appelle Ferdinand. Une très jolie et très drôle histoire. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de Ferdinand et puis ce sera encore une chanson qu'on entendra après, la chanson Home tirée du film Ferdinand qui est chantée par Nick Jonas. J'ai remarqué que dès votre naissance, les gens croient tout savoir sur vous. D'après votre allure, votre façon de parler, votre origine. Mais ce n'est pas aussi simple. Surtout quand il s'agit de moi. Avec moi, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis Ferdinand. Quand vous me voyez, vous vous dites « Oh, il est gros !» Vous vous dites « Oh, il fait peur !» Vous vous dites, lui, je le vois pas dans un magasin de porcelaine. Oh non. Petit pas. Tout petit pas. Tout, tout petit pas. Désolé. I was younger then. Take me back to when. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way. Je ne suis pas un taureau de combat. T'as pas besoin d'être un taureau de combat. Il faut juste que t'aies l'air d'un taureau de combat. Tu vois le tonneau là-bas? Réduis-le en miettes. Avec ma tête? Avec quoi d'autre tu veux le casser? Je suis prêt. J'ai failli te tuer, pardon! Aïe! Always at a place I knew I needed something new for me. I never knew just what that was. Finding something safe was just like trying to catch a bird in flight. I knew that I would never touch. Now I won't let go. Cause I'm happy to call it home. Oh, no! En 1960, Jacques Brel écrivait déjà des musiques de films. Nous venons d'entendre à l'instant la musique du film Le Panier à Crabe, réalisé par Joseph Lisbona, un film dans lequel on retrouvait notamment Pierre Michael et Anne Doat. Je vous emmène maintenant en 1980, une des comédies les plus populaires de cette année-là, comédie loufoque de Pierre Richard, avec Pierre Richard, Aldo Maccione, la classe personnifiée, croit-il, et la délicieuse Valérie Mérès, l'une des plus célèbres rouquines du cinéma français. On va écouter la bande-annonce de « C'est pas moi, c'est lui ». Et puis juste après, un extrait de la musique, le morceau « Bagdad Follies » signé de l'indispensable Vladimir Cosma. C'est un poteau, je ne peux pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Allez, Aldo, hop! C'est pas moi, c'est lui. Apporte! L'histoire d'un piège implacable qui referme ses mâchoires sur un homme marqué par le destin. Un homme qui devra affronter des dangers auxquels rien ne l'a préparé. Dis, c'est qui la star ici? Qui se heurtera aux personnalités les plus inquiétantes. Oh, oh! C'est pas moi, c'est lui. L'histoire d'un homme que son ambition démesurée mènera trop loin. Ça, c'est vrai. Dans un monde cruel où les faibles n'ont pas leur place. La petite peau. C'est pas moi, c'est lui. Une aventure haletante. Où les passions. Où les passions s'entrechoquent. C'est la première fois que je fais cet effet-là à une femme, moi. Où le suspense est roi. Où l'angoisse rôde à tout instant. Je cherche à m'empoisonner maintenant. Prenant les formes les plus diverses. Allez, en pompèse! C'est pas moi, c'est lui. En voyant ce film, souvenez-vous-en, cet homme, demain, ce pourrait être vous. C'est pas moi, c'est lui. C'est l'un des premiers films réalisés par Steven Spielberg, Sugarland Express, en 1974. Un film avec Goldie Hawn et Michael Sacks. On vient d'entendre un extrait de la musique signée, bien sûr, John Williams, le compositeur fétiche de Steven Spielberg. Le dernier film de Tony Marshall s'appelle Numéro 1. Il est sorti au mois d'octobre dernier. C'est un film avec Emmanuel DeVos et Richard Berry, entre autres, où nous voyons Emmanuel Blachet, ingénieur brillant et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit. Avant d'écouter la bande-annonce du film et de retrouver un extrait de la musique signée Mike Kurtzer, je vous propose d'écouter une interview, l'extrait d'une interview de Tony Marshall concernant la genèse de ce film numéro 1 avec Emmanuel DeVos. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site Toiles et Sillons. On écoute Tony Marshall et juste après la bande-annonce et la musique de numéro 1. J'avais eu l'idée de faire éventuellement une série autour d'un club de réseau féministe, en tout cas, qui voulait promouvoir les femmes et qui traiterait de la politique, de la finance, de l'industrie, etc. Et puis, j'ai pas trouvé de diffuseur qui veuille s'intéresser à ce sujet. C'était un portrait évidemment de groupe et après j'ai trouvé que, en regardant un peu l'actualité et tout ça, je trouvais qu'il y avait une grande difficulté pour les femmes d'arriver au pouvoir en France. Et je me suis dit quand même que je voulais essayer de raconter une histoire autour de ça, donc j'ai choisi un seul personnage plutôt qu'un portrait de groupe et dans l'industrie. Donc j'ai fait une enquête, j'ai rencontré des femmes chefs d'entreprise, etc. Et je suis venue ici. En 2013, parce qu'on m'a dit, tu devrais aller une fois au Women's Forum voir. J'avais jamais entendu parler de ça, je savais pas ce que c'était. Donc j'y suis, je suis venue en 2013, j'ai assisté, c'était assez étonnant parce que je suis arrivée dans un train comme ça, il y avait tout d'un coup, je sais pas, on était 50, 60, 70 femmes, mais ça parlait toutes les langues, c'était très gai, c'était sur ce quai de la gare de Deauville. Et puis après, je suis venue, j'ai vu toutes ces femmes dans l'auditorium comme ça. Et puis, je sais pas, je me suis dit, il y a une espèce d'énergie, il y a quelque chose d'intéressant. Et il y a quand même quelque chose à analyser sur la difficulté, les verrous qui sont encore extrêmement importants, voilà, pour les femmes en France et ailleurs dans le monde aussi. Mais enfin, il se trouve que là, je parle du pays que je connais. Je trouve qu'on est très protégé dans le milieu du cinéma. Alors, on vous dira toujours qu'il y a moins de réalisatrices femmes que d'hommes, mais ça a commencé il y a beaucoup moins longtemps. Mais moi, j'ai jamais ressenti, en tout cas à mon égard, et je crois pas avoir de camarades qui, voilà, on nous a pas interdit de faire du cinéma parce qu'on était des femmes. Il y a de plus en plus de femmes chefs opérateurs, etc. On a même une fille là qui est machiniste, ce qui est un métier physiquement extrêmement dur sur le film. Donc je pense pas. C'est beaucoup plus dur dans des entreprises sur l'énergie, sur là où il y a des. Moi j'ai raconté le parcours d'une ingénieure. C'est une femme qui a fait Polytechnique, les mines. Voilà, quelqu'un qui est dans une capacité de vraiment de gouverner. Et comment ça se passe là quand on arrive à ce stade-là? Et pourquoi ça bloque? Et pourquoi c'est si compliqué? Parce que c'est compliqué. Réussir dans un secteur comme le vôtre pour une femme, c'est assez remarquable. Emmanuel, si je vous dis Antea, ça vous inspire quoi? J'ai commencé là-bas quand c'était la Compagnie Nationale des Eaux, mais j'imagine que vous le savez. Stanislas Ribaud est très malade. Personne ne le sait, et la raison c'est que Ribaud n'a pas préparé sa succession. Et c'est ouvert. Prendre la tête d'Antea? Devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40. Comment tu peux accepter un truc pareil? Tu continues. Parce que moi, je sais que tu es fragile. Est-ce que vous avez bien identifié votre ennemi? Baumel n'est pas un homme de réseau parmi d'autres. C'est le meilleur. Il faut trouver qui c'est. Et vite verrouiller. Non, mais vous voulez me faire peur? On vous prépare. Il faut rencontrer les grands patrons de presse, sortir avec d'autres dirigeants. Il faut qu'on vous voie partout. Emmanuel Blachet, Jean Baumel. Il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences, peut-être. Le pouvoir, le sexe et l'argent. Et aucun mec ne cumule les trois, c'est deux max. Et toi, c'est le pouvoir et l'argent. Baumel va se déchaîner contre Emmanuel. Toi, voulu la guerre, tout là. Je perds des milliers de personnes, sont au chômage. parle de transfert d'argent contre des informations sensibles. Ce que tu viens de faire est un suicide médiatique. Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord ? Quoi que tu décides, bonne chance. toute la classe d'Henri Mancini dans la musique de ce film de 1967 réalisé par Stanley Donen, Voyage à deux, avec la troublante et magnifique Audrey Hepburn ainsi que Albert Finet. C'était donc la musique de Voyage à deux. Nous allons revenir en France avec un film de 2017, un film très dur mais poignant, magnifique, Compte tes blessures de Morgan Simon avec Kevin Azaïs, Monia Chokri et Nathan Wilcox. Ce film nous parle d'un chanteur de groupe de hard rock de 24 ans, tatoué sur la moitié de son corps, et l'arrivée d'une femme dans sa vie et le retour de son père réveillent des tensions qui étaient jusque-là étouffées et qui vont libérer, entre autres, sa colère. On va écouter la bande-annonce de Compte tes blessures, et puis juste après, ce sera un extrait de la musique signée du groupe Good Health. My God, I'm so scared! I've lost my head! Can someone take me away? Right here! Right now! Arrête, arrête, putain, arrête! Allez, viens. Tu vas voir si je t'attrape. Arrête! Bassan, Julien. Julien, Bassan. Bonjour. Bonjour. Why we afraid of... T'as parlé de ma mère? Ouais. Vous étiez proche? Vous vous entendez bien avec mon père? Never mature, you only pretend to know, but he knows. Moi, je sais pas, même. What's really going on? C'est quand tu vas te casser de la maison? J'ai l'impression d'être un clochard qui fait la manche, tout ça pour avoir un je t'aime de son père, putain. Bien amusé. Maintenant, ça suffit. Si vous ne partez pas tout de suite, ça va très mal se terminer. Je vous le promets. David Summer. Un homme qui, toute son existence, a pris la fuite. Refusant la lutte pour la vie et ses affrontements. Ces types sont complètement sous et ils sont cinq. Oui, je le sais. Avec sa jeune épouse, il s'est réfugié dans la campagne anglaise. Je me souviens d'une époque, Madame Summer. Vous auriez fait n'importe quoi pour me garder. Charlie, enlève ta main. Qu'est-ce que ça veut dire? Embrasse-moi. T'es vraiment une bête. Il croyait y découvrir un havre de paix. Il dut y affronter les plus hautes violences. Je leur tiendrai tête. Je suis chez moi ici. Non! Non! Je n'accepterai aucune violence à l'intérieur de cette maison. Sam Peckinpah, l'auteur de La Horde Sauvage, atteint les sommets de la violence dans Les Chiens de Paille. Thank you. 1972 et une ambiance angoissante pour ce film de Sam Peckinpah, Les Chiens de Paille, un film avec Dustin Hoffman et Susan George dont on vient d'entendre la bande-annonce ainsi que la musique signée Jerry Fielding. Ainsi que la musique du western Los Amigos en 1973, film de Paolo Cavara dont on vient d'entendre la musique signée Daniele Patucci. C'est bientôt Noël, vous le savez, alors nous allons terminer ce Toiles et Sillons avec deux films de Noël. Tout d'abord, Les Moomins attendent Noël, un film réalisé par Jakub Wronski et Aira Karpelan, excusez-moi, j'ai pris un peu mon élan pour ne pas écorcher son nom. C'est un film d'animation sur ces Moomins, cette famille qui vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande, des petits bonshommes tout en rondeur, inspirés des trolls. Et puis juste après, vous avez certainement déjà vu ou entendu parler du nouveau film d'Alain Chabat, une fois très drôle avec l'esprit d'Alain Chabat, Santa et compagnie. On va écouter la bande-annonce des Moomins attendent Noël et un extrait de la musique signée Graham Miller et Steve Shill, et puis la bande-annonce de Santa et compagnie, et un extrait de la musique signé de Mathieu Gonnet. Nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau Toiles et Sillons. En attendant, vous le savez, le site internet toilesetsillons.fr pour le podcast, les émissions à écouter en streaming ou à télécharger, et puis la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons pour tout savoir de ce qui se passe dans l'émission qui écoute le cinéma. Les Moomins, Santa et compagnie, je vous laisse avec l'esprit de Noël. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Je n'aime pas l'hiver. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu verras. Cette année encore, comme chaque année, nous allons dormir tout l'hiver. Bonne nuit, mes chéris. Debout, les Moomins. Toute cette neige, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De nombreuses créatures ne sortent de leur cachette qu'en hiver. Pourquoi vous marchez avec des planches attachées aux pieds? Ça s'appelle des skis. Oh, oh, oh, oh. Qui veut faire la course? Dépêchez-vous d'installer votre sapin et d'emballer vos cadeaux, sinon vous ne serez jamais prêts à temps. Noël arrive. C'est qui ce Noël dont vous parlez? Au travail. L'esprit de Noël, c'est le partage. Être avec ceux que tu aimes durant la nuit la plus longue de l'année. J'adore les surprises. Je ne savais pas que pendant l'hiver, on pouvait autant s'amuser. Le monde est mystérieux et on n'a pas besoin d'aller loin de chez soi pour s'en apercevoir. Thank you. Ouais, bah ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? C'est un lutin contre une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh bah, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Là, maintenant. Bah oui, là, maintenant, sur le temps enfin. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide! Elle est marrante, elle a un aller-retour, pif-pouf. Appelle à tous les reines, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. Je cherche ton rayon lutin. Oh là là là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non, non. Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie et de stupéfiant. Et ça, ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Ouais. Moi, je suis votre avocat. Je suis là pour vous aider. Vous comprenez? Vous êtes en prison? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Non, non, je sais ce qu'est une prison. Merci, je fabrique des monopolies. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de reine? Non, non, non, non, non, non. S'il te plaît! Non! Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que, bah, que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière. Mot pour mot. Comment on dit bonjour en reine? On dit on. Non, pas du tout. Là, vous avez dit veux-tu un yaourt à la fraise? Aucun rapport. Ah. Oui, bah du coup, il en veut bien.